umwanzuro w'ingenzi wafatiwe muri meeting ya CDR yabaye icyabingo ku cyumweru tariki ya 27 z'ukwa 24 bo bararebye arareba basanga uburyo busigaye ugomba gukoreshwa kugira ngo ibibazo igihugu cyacu kirimo igikemurwe mu mahoro ari ubukurikira. Au cours du meeting du parti CDR qui s'est tenu le dimanche 27 février 1994 dans la commune de Kiabingo, plusieurs résolutions importantes ont été prises, dont voici les plus importantes. Abayobozi rero bamashaka yemera ko arengera ubusugire bwa Repubulika n'inyugu za rubanda nyamwinshi bakwiye gutangariza abayoboke bayo ko bashyize hamwe maze ayo mashyaka yose bamwe bakunda kubita ba power abandi bakabita andi mazina. Ayo mashyaka yose bose bakereka bakabwira abayoboke babo ati dore twese dushyize hamwe amashyaka yose maze abasanga ubwo bumwe nabo bakajya ku mugaragaro abashaka bakajya mu ruhande rw'abashaka amahoro abandi bashaka bakajya mu ruhande rw'abashaka. D'abord, tous les vrais partis, le MDR PAWA, le MRND, le CDR, bref, tous les partis qui œuvrent véritablement pour les intérêts du peuple Hutu doivent proclamer leur unité. S'ils sont unis, nos militants le seront également, et là je vous assure, rien ne pourra nous résister. Comme ça au moins, on verra qui veut l'intérêt de notre peuple et qui veut collaborer avec les cancrela. Lorsqu'elle témoigne le 7 avril 1994 au micro de RFI, Agathe Uwiling Yamane est Premier ministre du Rwanda. Elle est interrogée au lendemain de l'accident d'avion qui a coûté la vie au président du Rwanda, Juvenal Habyarimana, et au président burundais, Cyprien Ntaryamira. Quelques heures après cet entretien, elle sera assassinée à son domicile.